sentiments entre voix et sans voix. Parce que je ne peux pas parler quand tu es là. Tu me vois, je te vois, c'est pas mes ailes. Tu es là sans toi, comme si t'étais. Parce que je ne peux pas parler quand tu es là. Tu me vois, je te vois, c'est pas mes émois. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi, toi, toi. Et je suis comme un niais sans billet. Et je suis là à attendre mon entrée. Mais ici on s'entend pas, faut pas espérer. Le passeport du sport, y'a que ça pour toi. Dans le canapé, quand je suis sur toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi. Sur toi sans toi.